écoute ça. Uniforme. Depuis l'enfance on dévie, un spliff et les yeux se brisent. Depuis l'enfance on dévie, un spliff et les yeux se brisent. Depuis l'enfance on dévie, un spliff et les yeux se brisent. Je t'invite, il pleut dans ma vie, puis y'a que les mots qui m'abritent. Les ragots s'ébritent, là d'un coup ça sombrit le décor. Écoute ton cœur, chacun de ses battements te rapproche un peu de la mort. Vois-tu, toutes tes petites minettes visent le corps de rêve. Le règne de Satan, on s'attend à finir sur la corde raide. Pourquoi Zepekenio c'est l'icône? Ça déconne grave, les lois divines s'entravent, leur ins gavé de silicone. Les rôles des blocs parlent de thunes dans un plan. Tente de contrer la vieillesse, investissent dans les implants. Les dents crisent, quant à l'euro, je m'en bats les couilles, leur banque crise. À l'aise comme quand des l'euro sur la banquise. Qu'on trahisse avant qu'on tue, je voulais rester seul dans ma sphère, mais y'a bien trop d'englobe tu. On sature, l'eau sature, fais les lots ça dure. Sauf qu'en France on chie dedans, sous le chapiteau se cache une caravane de gitans. Panama King, Stone, la même douleur. Une mélodie de tristesse injectée dans les boomers. De ta peau m'essuie les pleurs. La souffrance intérieure a bien plus d'impact que ses larmes à l'odeur de sueur. Notre malheur est d'avoir côtoyé la routine. Les soucis on les rumine, gueule en manque de vitamines. C'est vrai que le stress abîme sa douleur, une épine empoisonnée. J'ai mal au rein en foie de la cristalline. La crise t'étale si la mélancolie est forte. Les visages sont crispés car le bonheur ne frappe pas à nos portes. Gris sont nos apparts, le malheur est notre escorte. Le mal nous escroque, c'est ce que le bien me rapporte. Le plus souvent je rappe sur des mélodies qui font pleurer. On va pas se mentir, c'est pas la joie dans nos quartiers. Être moi-même, vu que la gamberge me colle aux fesses. C'est triste à dire, mais devant cette feuille blanche, je me confesse. Entre la zik et le djinn, je me baigne dans le stress. Il manquerait plus que je me pique ou que je tape dans la cesse. Tu sais, refrain, j'ai un problème, un gros problème à faire vibrer ma haine. J'aimerais en finir, cousin, c'est pas facile. Je suis peut-être fou ou bien peut-être que je suis trop hnin. Demande à ce qu'elle dit, combien de fois j'ai douté, combien de fois j'ai voulu tout arrêter, combien de fois je me suis senti persécuté, combien de fois je me suis menti pour pas chuter. L'humain est mauvais, je t'en parle en connaissance de cause. À force d'être déçu, on finit par une overdose. Je suis pisse, mais pas au point d'être là. Et mon moral part en fumée comme un cocktail Molotov.